poussière, puis embrasse l'asphalte. Et frappe et il caresse l'arbre. Croise des routes, converse exacte. Son jeu, la foule, son art. Croisé de songe, abîme sans halte. Le ferme et élève son âme. Quant à lui, sage et inflexible et fiable. Réclame son dû et laisse la légende.